Vincent Gomez. Denge o salinga y moninga e ezalima beo oyoka ngayo. Tala denge na mikitisi papa e ona ko protege o libala na yo. Nazala kinanga se mole kinzela. Yo moko senga kina banda e pai na yo. Tango ba moyena nga e siliko sila. Ba probleme koma kiko bima tango nyonso. Le monde n'est pas méchant. Le plus méchant, c'est l'être humain. N'est-ce pas, Atiga? Oyo kaka n'importe quoi et pas y a moi si. Au lieu de vérifier, au bandit c'est koboudé. Na sale le côté moninga nangana kani simbala mosusu na kobe kase kobi misa nyoso. Habib. Est-ce que l'obéla yon asenga kanga imbongo asala mombongo na boya kao? Ndambonga na mema po na boya ko baby sa foye na binongo. Oh, bolingo ye, bolingo. Bolingo a solo esala kana tango ya bakoko na biso. Oh, papa ye. Remi Ayayos. Tango ye azwa kaba oya linga kana motema na ye. Oye bakate po abombe la kayo sekele. Oka Rama Ramazani Nalindanda ya Pro.